Si l'on découvre que ces deux témoins sont coupables de péché, deux autres, plus intègres parmi ceux auxquels le tort a été fait, prendront leur place et tous deux jureront par Allah « En vérité, notre témoignage est plus juste que le témoignage de ces deux-là, et nous ne transgressons point, sinon nous serions certainement du nombre des injustes. »